Ok. Donc, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dans le cours passé, ça fait quand même longtemps maintenant qu'on n'a pas fait de cours depuis la dernière fois, parce que avec le ramadan, on a dû deux fois arrêter le cours. Mais là, Inch'Allah, on va recommencer en force, puis avec détermination, Inch'Allah. Et puis, on avait terminé le passage où le cheikh a expliqué des exemples de shirk, qui sont des shirk majeurs. C'est-à-dire, le shirk, c'est qu'est-ce que c'est? C'est de donner à Allah, de donner à Dieu, des associés dans l'adoration. Je vais être obligé d'expliquer plusieurs fois les termes qu'on a déjà appris, parce qu'il y a des gens nouveaux qui s'ajoutent à chaque fois. Peut-être qu'eux, ils vont pas être capables de comprendre de quoi on parle si on n'explique pas. Donc, on va expliquer. Moi, je n'ai pas expliqué. Non, c'est toujours bon. Ça raffermit la compréhension. Donc, le shirk, comme on a dit, c'est quand tu donnes à Allah des partenaires dans ton adoration. C'est-à-dire, quand tu pries et tu fais des invocations, tu donnes à Allah des associés là-dedans. C'est-à-dire, tu invoques d'autres que Allah. Ou tu invoques d'autres avec Allah. C'est-à-dire, tu invoques Allah, puis en même temps, tu invoques aussi d'autres en même temps. C'est-à-dire, tu n'as pas purifié ton adoration pour Allah seul. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle shirk. Mais, comme on va voir plus tard, il y a plusieurs formes de shirk. Le shirk qu'on a vu avant, parmi les shirk qu'on a expliqué qui sont des formes de shirk majeures, c'est le shirk dans le dua. Par exemple, le shirk d'invoquer autre que Allah, ou d'autres avec Allah. Ça, c'est un des exemples qu'on a parlé depuis le début du livre. Qu'est-ce qui se passe autour des tombeaux, tout ça. Là, maintenant, le shirk, il veut donner d'autres exemples. Il a donné l'exemple du shirk dans la crainte. C'est-à-dire d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans notre crainte. C'est-à-dire, quand on a peur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, une peur qui est mélangée avec une adoration. Ou, pas une peur naturelle, c'est-à-dire c'est pas d'avoir peur d'un ennemi ou d'avoir peur d'un animal sauvage ou d'avoir peur de quelque chose comme ça, mais c'est une crainte, dans le sens que tu as peur de quelqu'un qui est mort dans sa tombe, tu as peur qu'il puisse te faire quelque chose de mal, ou d'avoir peur d'un être invisible qui existe ou qui n'existe pas, ou d'avoir peur de, par exemple, qu'un cheikh, de croire qu'une personne a une connaissance de ce qui se passe dans ton cœur, qu'il connaît l'invisible, et donc tu as peur de lui. Comme certains, par exemple, certains soufis, c'est une des sectes, des groupes de musulmans, parmi eux, il y en a qui croient que leur cheikh ou leur guide a la capacité de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Ça y est. Ils ont la capacité de savoir qu'est-ce qu'ils pensent dans leur cœur, alors ils ont peur d'eux. De ce sens-là, alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ton cœur, personne d'autre que lui. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple, parce que tout ça, ça a été expliqué déjà en détail. Mais là, aujourd'hui, de quoi on va parler, c'est al-shirk fil mahabba. C'est-à-dire, le shirk dans l'amour. Ok? Parce que l'amour, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Même si c'est la base même de l'adoration. L'amour d'Allah. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie d'après qu'est-ce que le cheikh a clarifié dans son livre. Donc, le cheikh, il dit, قُلْنَا فِي مَا سَبَقْ إِنَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Donc, je lis en arabe, après je l'explique. D'accord? Et ça, c'est comme ça. Il y a plusieurs bienfaits à ça. Premièrement, c'est que vous familiarisez votre oreille à entendre la langue arabe. Donc ça, ça va, Inch'Allah, faciliter votre apprentissage. Deuxièmement, au niveau de la traduction, peut-être que je traduis des termes et puis certaines erreurs ou mauvaises compréhensions peuvent arriver. Mais s'il y a le texte arabe qui est lu en même temps, eh bien quelqu'un peut toujours être capable de retourner et puis dire, ok, tel terme qu'il a traduit, ça c'était pour l'explication qu'il a donnée en arabe avant. Et donc, il va être capable de savoir exactement de quoi il s'agit. Mais si tu traduis directement comme ça, sans donner le texte de l'arabe, eh bien, ça peut amener beaucoup de confusion. Oui, dénaturer la réalité de quoi on parle. Et puis il y a beaucoup d'exemples comme ça, et puis ça m'est arrivé souvent que j'ai réalisé que quelqu'un lisait un livre en français pour l'islam, mais il faisait l'interprétation de la traduction. Déjà, la traduction est une interprétation. Donc, si tu fais l'interprétation d'une interprétation, c'est le double d'erreur, yani, c'est le nombre, la possibilité d'erreur est doublée. Hein? Donc, c'est pour ça que, quand tu veux être sûr, des fois, tu vas traduire un terme, et puis, tu vas penser, tu vas dire, ah bon, ça veut dire ça. Donc, là, on commence, des fois, il y avait des frères qui se disputaient entre eux au sujet de différentes façons de comprendre un hadith, et ils se basaient sur l'explication. Fait que là, ils allaient voir dans les dictionnaires Larousse pour voir la signification d'un mot en français, pour dire, ah, tu vois, ça veut dire ça. Oui, mais le terme original en arabe, peut-être que ça veut pas du tout dire ça. Ça a toute une autre connotation. C'est juste quelque chose qui se rapproche de la signification du mot, mais c'est pas l'explication exacte. Voilà. Donc, c'est pour ça l'importance de lire en arabe. Donc, comme je disais, le cheikh dit, قلنا فيما سبق إن الخوف من الله تعالى لابد أن يكون مقرونا بمحبته سبحانه لأن تعبده بالخوف فقط هو أصل دين الخوارج فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه روحاه فبكمال محبة الله يكمل دين الإسلام وبنقصها ينقص توحيد الإنسان كيف قال الشيخ De la même façon que on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut que notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala soit reliée avec notre amour pour lui. Tu peux pas juste adorer Dieu par la crainte uniquement. Tu dis bon, j'adore Dieu juste parce que je le crains. Non, tu dois adorer Dieu par la crainte et également parce que tu l'aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc si ces deux choses-là ne sont pas ensemble, wa alaykoum salam, mon frère. Masha'Allah. Wa alaykoum salam. Non, mon frère. Masha'Allah. C'est le nouveau livre, hein? Nouvelle traduction de Cheikh Al-Albani. C'est un peu difficile à lire. Ah, tu trouves? Qu'est-ce que le problème, c'est dans la traduction? Dans la traduction, mais le début. Le début là, c'est très important. Parce que le début, c'est la méthodologie du livre. Ah oui, non, c'est pas pour moi, c'est à lui. C'est le livre de Cheikh Al-Albani. Sifatu Salat al-Nabi. Il a été publié en français dernièrement, c'est une bonne traduction. Ouais. Ça, c'est très intéressant, très important de le lire. Tout est basé sur les hadiths. Ouais. J'ai envie même de citer les pages pour aller plus loin. Non, ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que tu lis au début, là? Ça t'aide à comprendre beaucoup de choses. Ouais. Donc, on va continuer. Comme je disais, parce que, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par la crainte, c'est la base de la religion des Khawarij. Et comme on avait déjà expliqué, les Khawarij, c'est une secte extrémiste qui croit que celui qui fait un péché dans l'islam a quitté la religion et que son sang et ses biens sont permis. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre son sang et ses biens. Et donc, il le considère comme étant un non-musulman parce qu'il a commis un grand péché. Et donc, ces gens-là, ils sont tombés dans cet extrémisme parce qu'ils ont seulement adoré Dieu par la crainte. Ok? Et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par la crainte, aussitôt qu'il tombe dans un péché, il perd l'espoir de la miséricorde par Allah. Et donc ça les pousse à perdre l'espoir en son pardon. Quelqu'un qui croit quelqu'un qui adore seulement Allah par la crainte, à la minute qu'il fait un péché, il dit ça y est, Dieu va jamais me pardonner. Donc je vais continuer à faire des péchés tout le temps. Je vais continuer dans cette voie. Parce que de toute façon, je suis perdu. Tu comprends? Et donc, ça, c'est une voie qui amène à l'égarement. Après, le cheikh dit: Fal mahabbatu hiya aslu din al-islam. l'amour d'Allah, c'est la base de la religion musulmane, et c'est sur cette base-là que tout le reste tourne. Et la perfection de l'amour d'Allah, plus tu vas perfectionner ton amour d'Allah, plus tu vas perfectionner ta religion. Et plus ton amour pour Allah est défaillant, et bien plus que ta religion va être défaillante. Donc le cheikh il dit ensuite, « وَالْمُرَادُ بِالْمَحَبَّةِ هُنَا مَحَبَّةُ الْعُبُودِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلذُّلِّ وَالْخُضُوعِ وَكَمَالُ الطَّاعَةِ وَإِيثَارِ الْمَحْبُوبِ عَلَى غَيْرِهِ » Donc le cheikh il dit, et qu'est-ce qu'on veut dire maintenant par l'amour, al-mahabba, il dit, c'est-à-dire al-mahabba, c'est-à-dire l'amour dans l'adoration. Et c'est-à-dire l'amour qui va te pousser à te soumettre et à t'humilier devant Allah et de lui obéir complètement et de préférer ce que lui préfère. C'est-à-dire quand tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut et comme il se doit, eh bien tout ce que Allah aime, tu vas l'aimer, et tout ce que Allah déteste, tu vas le détester. Donc tu vas pas passer qu'est-ce que tu aimes toi par-dessus ce que Allah aime. Tu vas toujours mettre ce que Allah aime par-dessus ce que toi tu aimes pour toi-même. Oui, parce que parfois, des fois, dans notre vie, on a des désirs, on a des passions, hein. On va dire, quelqu'un, tu lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on fasse telle chose. Eh bien, si tu es un vrai mu'min, un vrai croyant, eh bien, tu vas placer cette chose que Allah aime par-dessus ce que toi tu aimes. Mais celui qui a une faiblesse dans son amour à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il place ce que il aime lui-même par-dessus ce que Allah aime. Et puis on pourrait donner quelques exemples de ça peut-être pour faciliter la compréhension, mais le cheikh lui, il va en parler un peu plus après. Il dit « فهذه المحبة خالصة لله لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد لأن المحبة قسمان محبة مختصة وهي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى والقسم الثاني محبة مشتركة وهي ثلاثة أنواع النوع الأول محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والنوع الثاني محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده والنوع الثالث محبة أنس وألف كمحبة الشريك لشريكه والصديق لصديقه. Donc le cheikh il explique et il dit, donc l'amour qu'on a doit être purifié et doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas le droit d'associer quiconque d'autre dans l'amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, parce que l'amour est divisé en deux catégories. Il y a deux sortes d'amour, si on veut. Il y a deux catégories. L'amour qui est spécifique, c'est-à-dire l'amour d'Abdallah. من فضلك لا تجري هنا انزل تحت لا تلعب هنا لا نحن نعمل درس الآن اوكي محبة مختصة donc l'amour qui est spécifique, c'est-à-dire l'amour qui est spécifique pour Allah, qui implique son adoration, qui implique de se soumettre parfaitement et complètement à Allah et de s'humilier à lui et de lui obéir parce qu'on l'aime. Et il dit, cet amour, elle est spécifiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Et la deuxième catégorie, c'est un amour qui est partagé. Et cet amour-là, elle est divisée en trois catégories. D'accord? Donc la première amour, c'est celle qui est pour Allah. C'est celle qui a l'humiliation, l'obéissance et l'amour. Et la deuxième catégorie, c'est un amour qui est partagé. Et elle est trois catégories. Voici les trois catégories. La première catégorie, c'est l'amour naturel. Comme par exemple, l'amour que la personne qui a, l'amour d'une personne qui a faim pour la nourriture. Ça, c'est un amour qu'on a, mais qui est naturel. La deuxième catégorie, mahabbatu ishfaq. C'est un amour qui est comme une affection naturelle, yani qu'on a, comme la, l'affection d'un père pour son fils. Ok? Et la troisième sorte, c'est mahabbatu unusin wa ulufin. C'est-à-dire, ça c'est comme une sorte de, comment je pourrais dire, comme kamahabbati sharik ou li sharikihi wa sadiqu li sadiqihi. Il dit ça, c'est comme, la troisième catégorie, c'est l'amour de entre deux associés. Ou entre, c'est comme plus comme une sorte de, comment je pourrais dire? Non, pas, ouais, c'est comme une sorte d'amitié, de, onus. Ou onus, c'est plus, comme une sorte de, une sorte de sympathie, une sorte de sympathie, ouais. C'est pas réellement une fraternité, c'est plus bas que ça. C'est comme, par exemple, juste une sorte de sympathie entre deux personnes, entre deux amis ou deux partenaires. Et le cheikh, il dit, وَهَذِهِ الْمَحَبَّةِ بِأَقْسَامِهَا الثَّلَاثَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ التَّعْظِيمُ وَالذُّلُ. Donc, le cheikh, il dit, ces trois catégories, elles n'impliquent pas une exaltation ou une humilité. Alors, voilà, يؤاخذ أحد بها ولا تزاحم المحبة المختصة فلا يكون وجودها شركا لكن لا بد أن تكون المحبة المختصة مقدمة عليها. Le chef, il dit, ces trois catégories-là qu'on a mentionnées, l'amour naturel, comme par exemple l'amour d'un homme pour sa femme, c'est un amour qui est naturel, c'est-à-dire l'attirance d'un homme pour une femme, c'est naturel. L'amour d'un père pour son fils, c'est naturel. Ça, c'est pas des amours qui viennent contredire la base de l'unité et soumission et l'exaltation d'Allah. Par contre, quand quelqu'un devient un mu'min, son amour, elle est basée sur la foi. Et ça, ça va avoir beaucoup d'impact sur cet amour naturel-là. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, puis on va comprendre après qu'est-ce qui se passe avec cette, entre ces deux-là, par la suite. Donc, le cheikh, il dit, ces trois formes d'amour-là, elles sont pas contradictoires avec l'amour dans le sens. Alors, c'est-à-dire, on peut aimer sa femme, on peut aimer ses enfants, on peut aimer, la nourriture ou d'autres choses de la dunya, sans que ce soit un acte de shirk ou sans que ce soit une association avec Allah. Il dit, il n'y a pas de problème d'aimer ces choses-là. Sauf que, il faut pas passer son amour qu'on a pour ces choses-là par devant l'amour d'Allah. Comme par exemple quelqu'un qui dit, bon, moi j'aime les femmes, mais son amour des femmes ne doit pas le pousser à faire ce que Allah n'aime pas. C'est-à-dire, il peut aimer les femmes tant qu'il reste dans les limites d'Allah, c'est-à-dire qu'il se marie et qu'il fait ce qu'il veut, mais dans les limites du mariage. Ça, c'est correct. Mais si il dépasse ça, il fait son amour pour ces choses-là dépasser, c'est-à-dire il transgresse ça, alors ça veut dire son amour pour Allah est faible. Et son amour pour cette chose-là a dépassé son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a un problème maintenant dans sa conviction, dans sa foi, dans son amour. Donc, le cheikh, il explique. وَالْمُحَبَّةُ الْمُخْتَصَّةُ وَهِيَ مُحَبَّةُ الْعُبُودِيَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. الشيخ أقيل explique l'amour spécifique, celle qui est l'amour dans l'adoration, c'est celle qui est mentionnée dans le verset du Coran suivant, et là il mentionne le verset. C'est un verset qui dit, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires, et des seigneurs. Ils les aiment comme ils aiment Allah. Et après, Allah il dit, et ceux qui ont cru, les croyants, sont plus forts dans leur amour d'Allah que eux. Et après, on va voir que ce verset-là, il a deux interprétations différentes. Donc, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des seigneurs et des partenaires qu'ils aiment comme on aime Allah. Mais les croyants, eux, aiment Allah plus fort que eux. Leur amour à Allah est plus fort que l'amour que ces gens-là ont pour leurs idoles ou les choses qu'ils adorent. Et là, on va comprendre, l'imam Ibn Qayyim, il a expliqué le verset, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce dans ce verset, que celui qui aime, en dehors d'Allah, quelque chose, comme on aime Allah, alors, il fait partie de ceux qui ont pris, en dehors d'Allah, des seigneurs dans leur amour et dans leur, vénération. Wa qala Ibn Kathir, rahimahullah, yadhkuru ta'ala, حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. Donc là il mentionne l'explication du Cheikh Ibn Kathir. Ibn Kathir c'est un des grands savants de tafsir. Qui est, et en plus, il est un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, comme Ibn Qayyim aussi était un des imams de Ibn Taymiyyah, un des élèves de Ibn Taymiyyah. Donc, Ibn Kathir, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, l'état des mushrikins, des idolâtres, dans cette dunya. Et qu'est-ce qu'ils auront dans l'au-delà comme châtiment et punition? Pourquoi? Parce qu'ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires ou des seigneurs, des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et, amthalan wa nuzara. Ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des semblables, des ressemblances, ou, des gens qui sont des égaux, à Allah. Ils ont donné à Allah des égaux et des ressemblances. Et il dit, et, yuhibbunahum kahubbillah. Ils les aiment comme on doit aimer Allah seul. C'est-à-dire, eux, ils aiment les partenaires ou les idoles ou les choses qu'ils ont données, qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils les aiment comme on est supposé d'aimer Allah. Et, yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zim. Ils les font égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur amour et leur exaltation. هذا الذي قاله ابن كثير رحمه الله هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Il dit ce que ابن كثير a mentionné, ça c'est l'interprétation que ابن تيمية a choisi رحمه الله. كما حكى الله هذه التسوية عنهم في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset, par Allah, je jure par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque nous vous faisions des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. C'est-à-dire, ça c'est un verset qui explique qu'au jugement dernier, les mouchriquins, ils vont regarder leurs idoles. Et, ouais. Exactement. Ils vont s'adresser à leurs idoles et ils vont dire, par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque nous vous faisions, vous, des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont s'adresser à leurs idoles. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté dans le Sahih Muslim qu'au jugement dernier, les gens vont être rassemblés. Et puis, tout ce que les gens adoraient va leur apparaître. Et tout le monde vont suivre, les gens vont, ceux qui adoraient les idoles ou les choses en dehors d'Allah, ils vont les suivre dans l'enfer. Donc, le soleil va passer et ceux qui adoraient le soleil va rentrer dans l'enfer et ceux qui adoraient le soleil, ils vont rentrer dans l'enfer. Pourquoi le soleil va aller à l'enfer? c'est pas une punition pour le soleil, parce que de toute façon le soleil ne sent pas, tu vois, c'est pas un être. Non, mais lui, il dit que toutes les choses qui ont été prises pour des idoles, ouais. Des idoles, le soleil a été pris pour... Pour un idole. Il y en a qui l'ont adoré, exactement. Donc ils vont, le soleil va rentrer dans l'enfer. En même temps, ça nous donne une petite idée de la grandeur de l'enfer, ouais. Tu vois, si le soleil est capable de rentrer dans l'enfer, alors imaginez, hein. Et puis la lune aussi, hein, et les étoiles. Et puis après, qu'est-ce qui va rentrer dans l'enfer? Les idoles, les choses que les gens adoraient. Et à chaque fois que quelque chose rentre dans l'enfer, eh ben, les gens, un groupe de gens vont suivre ce qu'ils adoraient. Et ils vont entrer dans l'enfer avec. Et bien entendu, les prophètes ou les hommes pieux qui ont été adorés par les gens, mais que eux-mêmes n'ont jamais demandé à ces gens-là de le faire, alors ceux-là, c'est sûr que eux, ils vont pas rentrer en enfer, même s'ils ont été adorés par ces gens, par les gens, tu comprends? Parce que dans ce cas-là, c'est pas eux qui ont demandé aux gens de les adorer. C'est les gens par ignorance, à cause de l'égarement qu'ils avaient dans leur cœur, et le shaitan les a trompés, et donc il les a fait tomber dans l'adoration des gens, mais eux, ils en étaient innocents. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à Isa ibn Maryam, par exemple, au jugement dernier, hein, est-ce que, oh Jésus, fils de Marie, est-ce que toi tu as dit, prenez-moi ainsi que ma mère, comme des dieux en dehors d'Allah? Alors, Isa, il va répondre, certes, non, je pourrais jamais dire une chose pareille. Je peux pas dire ce dont je n'ai aucun droit de dire. Après, il va dire, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, je les ai surveillés, j'ai vu j'observais ce qu'ils ont fait lorsque j'étais parmi eux. Mais lorsque tu m'as, fait partir, alors là, c'était toi qui étais celui qui surveillait leurs actions. Mais moi, je ne leur ai jamais demandé de m'adorer, ni moi, ni ma mère. Tu vois? Donc, lui-même, il va se désavouer de ce que ces gens-là ont fait. Tu vois? Ou ceux qui ont adoré Ali ibn Abi Talib, ou ses descendants, ou ceux qui ont adoré les chouyours, par exemple, Abdel Qadir Jilani, ou d'autres chouyours qui sont parmi les salihin, ou qui ont adoré n'importe quelle autre personne, même le prophète ou quoi. Ces gens-là sont innocents de qu'est-ce que les gens ont fait après eux. Après le chef dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ أي أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَنْدَادِ لِلَّهِ وَقِيلَ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَنْدَادِ لِأَنْدَادِهِمْ فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه نسبا لله. Donc le chef dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour pour Allah, eh bien, l'explication de ça, c'est, ils sont plus forts dans leur amour pour Allah que les gens qui adorent les idoles dans leur amour pour Allah. C'est-à-dire, les gens qui adorent les idoles, ils aiment Allah, mais les croyants aiment Allah plus que eux. Vous comprenez? Et ça, c'est une interprétation. Et l'autre interprétation, c'est أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَنْدَادِ لِأَنْدَادِهِمْ. C'est-à-dire, ils aiment plus Allah que les gens, leur amour pour Allah est plus grand que l'amour des gens qui adorent les idoles, que leur amour pour leurs idoles. Vous comprenez? Leur amour pour leurs idoles, l'amour des croyants pour Allah, elle est plus grand que leur amour pour leurs idoles. C'est ça. Ça, c'est deux interprétations différentes. Mais elles sont toutes les deux, yani, elles ont toutes les deux une bonne signification. فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه نجدا لله. Et donc, ce verset-là est une preuve que quiconque a aimé quelque chose comme on aime Allah, il l'a donc pris comme un ego, quelque chose d'égal avec Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وفيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit Et dans ça, il y a une preuve que quiconque prend un ego, quelque chose d'ego, et qui le rend égal à Allah subhanahu wa ta'ala, il prend une idole ou quelque chose et il le rend égal à Allah dans son amour pour cette chose, alors, dans son amour pour cette idole, il rend son amour pour l'idole égal à l'amour pour Allah, alors il a fait l'idolâtrie majeure, yani le shirk majeur. Et après, le cheikh Al-Fawzan, il continue et il dit, « وَقُلْنَا قَرِيبًا إِنَّ مَحَبَّةَ اللَّهِ الَّتِي هِيَ مَحَبَّةُ الْعُبُودِيَّةِ يَجِبُ أَن تُقَدَّمَ عَلَى الْمَحَبَّةِ الَّتِي لَيْسَتْ عُبُودِيَّةِ وَهِيَ الْمَحَبَّةُ الْمُشْتَرَكَةِ كَمَحَبَّةِ الْآبَاءِ وَالْأَوْلَادُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَمْوَالُ لِأَنَّ اللَّهَ تَوَعَدَ مَنْ قَدَّمَ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ يعني وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فتوعد سبحانه من قدم هذه المحبوبات الثمان على محبة الله ورسوله والأعمال التي يحبها ولم يتوعد على مجرد حب هذه الأشياء لأن هذا شيء جبل عليه الإنسان ليس اختياريا وإنما توعد من قدم محبتها على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده فمحبة الله لها علامات تدل عليها. Donc on va traduire ce passage, et c'est un passage très important dans lequel le cheikh il explique, il dit, nous avons déjà expliqué auparavant, il n'y a pas dans ce qui a suivi, que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour qui est l'amour de l'adoration. Et cet amour-là, elle doit être mis en avant de l'amour qui n'est pas un amour pour l'adoration. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Ok. Donc, on doit passer l'amour qu'on a, l'amour d'adoration pour Allah, c'est-à-dire de soumission, d'humilité, d'obéissance, et tout ça. Cet amour-là qu'on a, on doit le passer devant l'amour qu'on a pour les choses yani de la dunya, hein, les choses naturelles. D'accord? Voilà, ça c'est un amour qu'on appelle un amour qui est partagé. Comme quand on aime nos pères, on aime nos enfants, on aime nos femmes, on aime nos biens, tout ça, c'est un amour qui est pas blâmé en elle-même. Elle est uniquement blâmée si elle est mise au-dessus de l'amour d'Allah et de l'adoration d'Allah. D'accord? Et la preuve de ça, c'est le verset dans lequel Allah a dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos femmes et vos tribus, vos familles, et le mal, les biens que vous possédez, ou le commerce que vous craignez, dont vous craignez la faillite, ou vous craignez de le perdre, et les maisons, ou les domaines que vous aimez, sont plus aimés par vous que Allah et son messager, et que le djihad, dans son chemin, alors attendez jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens désobéissants et pervers. Yani. Donc ça veut dire, Allah a fait une menace à ceux qui passent l'amour de ces choses-là devant son amour et l'amour de son prophète et l'amour de ce que Allah aime. Mais de les aimer, c'est pas interdit, et c'est pas mal, et c'est pas quelque chose de blâmable. c'est tout à fait normal d'aimer nos enfants, nos frères, nos pères, et tout ça. D'accord? Mais il faut toujours les aimer selon les limites, pour pas que ça soit un amour qui va nous faire transgresser et dépasser la limite d'Allah. Et puis, je ne sais pas si le chef du moyen, non, il n'a pas expliqué ici. Mais, comme je vais vous expliquer aussi les petits détails là-dessus. Le chef, il dit, « فَتَوَعَدَ سُبْحَانَهُ مَنْ قَدَّمَ هَذِهِ الْمَحْبُوبَاتِ الثَّمَانِ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي يَحِبُّهَا » Oui, c'est ça. Donc, Allah a menacé ou a fait une menace à ceux qui passent ces choses-là, ces huit choses qu'il a mentionnées, l'amour de ces huit choses, devant l'amour d'Allah et de son messager et des actions que Allah aime. Mais pas celui qui fait seulement les aimer, sans les passer devant. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que l'homme a choisi. C'est pas quelque chose de volontaire qu'on fait quand on aime ces choses-là. C'est naturel. Allah, il a mis ça dans notre nature même. D'aimer les femmes. Allah, il dit dans le Coran, par exemple, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث. Tout ça, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la sourate Ali Imran, que c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a embellies dans l'âme de l'être humain. Et il a dit, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Donc, on a embelli pour les gens, l'amour des femmes, l'amour de leurs enfants, l'amour des biens, de la richesse, de l'argent, de l'or, des animaux qu'on possède et des champs et des propriétés. Tout ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a embellis en nous-mêmes. Donc, tout ça là, c'est pas quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé en tant que tel. C'est pas quelque chose de mal d'aimer ces choses-là. Le problème et le danger, c'est seulement si tu les aimes et que tu les aimes plus que tu aimes Allah. Ou quand ces deux amours-là commencent à être en conflit, c'est quand tu les passes devant ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans une autre ayah dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Ô les croyants, ne prenez pas vos pères et vos frères pour alliés s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Donc on voit ici que dans ce verset-là, Allah il dit قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم. Si vos pères, vos fils, vos frères et vos femmes et tout ça sont plus aimés que Allah et son prophète et le djihad qui s'appelle l'Allah, ou tout ce que Allah aime. Il a mentionné le djihad ici comme un exemple, parce que ça fait partie des plus grandes formes d'adoration. Mais ça implique aussi toutes les autres formes d'adoration ou de choses que Allah aime, comme salat, hajj, somme, zakat, tilawat al-Qur'an, lire le Qur'an et tout ça. Ça fait aussi partie des choses que Allah aime. Et donc si on aime toutes ces choses-là plus que Allah, donc là, c'est là que ça rentre en conflit. Comme par exemple, si nos frères ou nos pères préfèrent la mécréance à la foi, eh bien, on n'a pas le droit de les prendre pour alliés, c'est-à-dire de les aimer et de les supporter et de les préférer aux croyants. Vous comprenez? On ne doit pas les aimer et les supporter et les défendre contre les musulmans ou les aimer plus que les musulmans. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a l'amour naturel pour nos parents, sauf que s'ils préfèrent la mécréance et qu'ils combattent la vérité, on n'a pas le droit de les prendre pour alliés dans ce cas-là et de les défendre et de les aimer et de les supporter contre les musulmans. C'est pour ça que, par exemple, parmi les Sahaba, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels, quand il y avait des guerres entre les musulmans et les kuffars, il y avait des djihad entre les musulmans et les kuffars, certains parmi les musulmans devaient parfois se battre contre leurs propres pères. Et il y a beaucoup d'exemples, comme par exemple l'histoire de Abu Ubaida al-Jarrah et l'exemple de Abdullah, le fils de Abdullah ibn Ubay, qui était le chef des munafiqis. Tout ça, c'est des exemples que lorsque ils ont eu des que leur père était des koufars et qu'ils ont eu à les affronter, eh ben, ils ont même pas hésité même à les tuer quand c'était une question de faire passer la foi au-dessus de, leur lien de parenté ou de sang. C'est-à-dire, on a l'amour pour nos parents et pour nos frères et pour toutes ces choses-là, mais lorsque ça rentre en conflit avec Al-Iman et que nos frères et nos pères préfèrent la mécréance à la foi et qu'ils commencent à attaquer les croyants, ils n'ont pas dit « je vais défendre mon père » ou « je vais protéger mon père parce que c'est mon père ». Ils sont arrivés à un point où leur foi est tellement élevée qu'ils ont dit « pour nous, le lien de parenté, si ces gens-là détestent la foi et détestent Allah et détestent le prophète, eh bien nous, on les déteste aussi ». Comme ça. Et c'est pour ça que ça c'est un point dans la foi, dans le tawhid, dans la aqidah, dans la croyance qu'on appelle « al-wala » ou « al-bara ». C'est-à-dire qu'on doit aimer pour Allah et détester pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on aime tout ce qu'Allah aime et on déteste tout ce qu'Allah déteste. D'accord? C'est-à-dire si par exemple, tout ça on va en parler, il y a un chapitre même dans ce livre qui parle justement de ça en détail et qui explique les conditions et les points et les règles. Tu vois? Parce que ça doit être bien clarifié ces affaires-là. Mais ça c'était juste pour faire une note de clarification. Oui, bien entendu. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos justement de ça. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَ. Et dans d'autres versets, on a enjoint à l'être humain d'être bon envers ses parents. Puis dans un autre verset, il dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله يقول: si tes parents essaient de t'imposer d'adorer autre que moi parmi les d'adorer autre chose dont tu n'as aucun savoir, alors ne les obéis pas. وصاحبهما في الدنيا معروفة. Et sois pour eux un bon compagnon dans cette vie. Mais pas yani que tu vas être bête ou dur avec eux. Non, avec sagesse, tu vas être bon. Mais là, l'exemple que je vous ai mentionné tout à l'heure des sahabas qui ont dû tuer leur propre père, ça c'est des exemples où ils étaient dans un conflit armé, oui, c'est particulier. Et ça c'est des cas où, là, ils sont devant leur père, c'est soit eux qui vont se faire couper la tête, ou le père. Alors, ils disent bismillah et ils vont. Hein. C'était comme ça, c'est pas la même chose du tout. Enfin, donc ça c'est un point qu'il fallait clarifier. Et puis donc, une fois j'ai eu une discussion aussi à cause de ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets que les croyants ne doivent pas prendre pour alliés et aimer les non-musulmans, qu'ils soient des chrétiens ou des juifs, ça c'est clair. Mais il y en a. Quand j'avais expliqué ça une fois dans un khutba à l'université McGill, après le khutba, il y a des gens qui sont venus et qui ont commencé à discuter avec moi. Et ils voulaient comme dire, non mais moi je suis musulman, puis j'aime les sports, j'aime les juifs, j'aime les chrétiens, tout. Pourquoi tu dis que tu n'as pas le droit d'aimer les chrétiens, les juifs, tout ça. J'ai dit, d'accord, on n'a pas le droit de les aimer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça dans le Coran, dans plusieurs versets. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « La tajidu qawman » يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et en son message et au jour du jugement dernier ceux qui prennent pour amis et qui aiment yani ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, qu'ils fussent leur père, voilà, ou qu'ils soient abahum ou abnahum, même leur fils, qu'ils soient leur père ou leur fils, ou ikhwanahum ou ashiratahum, ou leur frère, أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم leurs frères ou leurs tribus ou leurs proches. Donc ça c'est dans Al-Mujadala. Et dans une autre ayah, dans Surat Al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala il dit لقد كان لكم في لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله يجزي dans cette ayah il y a pour vous dans Abraham et ceux qui ont pris avec lui un bon exemple. Un bon exemple, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, ils parlent les qawmihim, inna bura'a'u minkum, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum, on vous rejette complètement. Et entre vous et nous, il y a une haine, une animosité. Al-adawa wal-barda abadan, juste pour toujours, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est toujours unanime, c'est-à-dire que l'amour, elle est basée sur la foi en Allah. Et lorsqu'il n'y a pas l'amour en Allah, elle part cet amour. Lorsqu'il n'y a pas la foi en Allah, l'amour part. Hein? Et après, il dit dans le Coran, par exemple, juste après, dans cette même surah, Al-Mumtahana, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرج ولم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله سبحانه وتعالى ne vous empêche pas de ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures d'être bon envers eux et de les traiter avec justice. C'est-à-dire, et après dit, Inna Allah yuhibbu al-muqsitin, et Allah aime les gens justes. Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire en fait, on les déteste, on les prend comme ennemis parce qu'ils ne sont pas croyants, ils n'ont pas cru en Allah seul, ils ont adoré autre que Allah. Ils ont insulté Allah, ils ont associé autre avec Allah. Donc on n'a pas le droit de les aimer à cause de ça. Sauf que, on n'a pas le droit d'être injuste envers eux et on n'a pas le droit d'être méchant avec eux sans raison. S'ils ne nous ont pas fait de mal, ils ne nous ont pas combattu, ils ne nous ont pas insulté, ils ne nous ont pas fait sortir de nos maisons ou exilés, on n'a pas le droit de être méchant, être injuste envers eux. On doit être toujours bon avec eux, gentil avec eux, et les traiter avec respect et justice. Sauf que, on ne doit pas les aimer. On doit toujours les détester au fond parce qu'ils ont refusé de croire en Allah seul et qu'ils ont associé à Allah des idoles ou des choses que Allah n'a jamais permis de faire. Ça, c'est des petits détails que beaucoup de musulmans ne comprennent pas et à cause de ça, ils tombent dans beaucoup d'erreurs. Parce que là, ils tombent dans le problème de, je ne vais pas mentionner tout ça, mais ils n'essayent pas de comprendre aussi qu'il y a des règles. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, qu'on doit être méchant avec eux ou être injuste avec eux, les créer des noms, les insulter, les battre, des choses comme ça, les tuer ou des choses comme ça. Peut-être que certaines personnes vont pas comprendre les règles de la charia et ça va les pousser à tomber dans des erreurs ou d'extrémisme. Comme par exemple ceux maintenant qui sont en train de faire des actes de terrorisme ou qui sont en train de faire des attentats ou des choses comme ça, eh ben, ils ne sont pas justifiés de faire ça par rapport à ces explications qu'on a données. Parce que Allah, il a interdit d'être injuste envers eux. Et il y a d'autres règles aussi qui, dans l'islam, qui expliquent qu'on n'a pas le droit de faire ces affaires-là envers ces gens-là. Et de faire ça, c'est totalement interdit de faire du mal ou de faire des injustices envers ces gens-là. Ok? Est-ce que c'est pour les gens qui ont qui ont connu une humiliation, qui en a, pas moi, qu'on a provoqué, qui doit pas recevoir les coups de pouce. Ou la question de la terre avec laquelle les gens sont trouvés dans notre maison, qui les deux familles ont même ont été détruits. On peut pas séparer le politique du religieux. Ce que je voulais te demander, c'est dans ces conditions, c'est qu'il faut aimer qui s'est mis là, mais il faut détester aussi qui s'est mis là. Oui, dans ce cas-là, les deux sont reliés, mais même en général, on doit détester toujours les coupables. Parce qu'il y a des gens ils prennent seulement des occasions politiques pour détester les coupables. Parce qu'ils utilisent ça et ils jouent avec ça. D'accord? Quand il y a un conflit, là, ils commencent à dire, ils ont fait ça, les coupables, on fait ça, les coupables, on fait ça. Et s'ils n'ont rien fait, ils disent, on s'en fout. Pourquoi? Parce que leur intérêt vis-à-vis des coupables, c'est pas de les appeler à l'islam ou de comprendre qu'est-ce qui les rend mauvais. Parce que pour eux, il y en a qui croient que les chrétiens et les juifs, même s'ils restent dans leur religion, ils sont corrects. Pas besoin de devenir musulmans, pas besoin de les appeler à l'islam. Donc ces gens-là, le fait que les chrétiens soient chrétiens, que les juifs soient juifs, que les idolâtres soient les idolâtres, les autres qui adorent n'importe quoi, c'est pas grave. Chacun sa religion, c'est pas important de les appeler pour eux. Mais quand il y a un conflit politique, eux ils nous ont fait ça, là ils deviennent des coupables. Tout d'un coup, là ils deviennent des coupables. Mais en général, non, ce sont pas des coupables, ce sont des ahlul-kitab, ce sont des filles et ça. Ils font une distinction entre les coufards et les gens du livre. Mais les gens du livre sont des coufards pour plusieurs raisons. Parce qu'ils n'ont pas cru au Coran, ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont associé avec Allah, ils ont dit Jésus est le Fils de Dieu, ou Jésus est Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que ces trois-là forment un, ça c'est dit. Ça aussi c'est un exemple de leur shirk. Et Allah, dans le Coran, il dit clairement, dans le verset, dans Surah Al-Ma'idah, il dit « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ بْنُ مَرْيَمْ » Ils ont « كَفَرَ » mécru, ceux qui disent que Isa est Allah, le Messie, fils de Marie, est Allah. Ça, c'est clair. Un autre ayat, juste après, qui dit « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ » Ils ont mécru, « كَفَرَ » ceux qui disent que Allah est trois en un, ou le troisième du trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça c'est couple. Celui qui croit en ça, il dit ça, il est mécréant. Donc comment quelqu'un peut venir après et dire « Non, ces gens-là ne sont pas des coupables, sont des... » sont des gens du livre ou quoi? Oui, ils sont des gens du livre. Pas des... Oui, c'est ça. Mais le fait de... Oui, c'est parce qu'Allah, il dit dans le Coran, par exemple, « La tat... Ya yu allazina amanu, la tattakhidu al-yahuda wa al-nasara awliya, ba'du, wa alaykum salam wa rahmatullah, ba'duhum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ » Allah dit dans le Coran, « Oh les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Les juifs sont alliés avec les chrétiens sont alliés des juifs. » Et ça, on le constate. Les Américains sont alliés avec Israël, les Israéliens sont alliés avec les Américains. Et de tous les temps, les juifs ont toujours utilisé les chrétiens pour se défendre, et les chrétiens sont toujours en train de profiter de l'argent des juifs ou d'autres choses comme ça. Ils s'aident les uns les autres. Malgré que les uns et les autres se détestent aussi. Hein? Ils sont proches. Mais ils sont toujours en train de s'aider et ils sont des alliés dans la mécréance. Ouais. Mais, Allah dit, ba'duhum awliya ou ba'd, et après Allah dit, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui parmi vous qui les prend pour alliés, alors il est un des leurs. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah ne guide pas les gens pervers. Mais, comme on a expliqué, Al-Wala, l'alliance dans ce verset, qu'est-ce que ça, c'est lequel qui fait qu'on est en dehors de l'islam? C'est lequel dans ce verset-là? C'est l'alliance du cœur. C'est-à-dire, quand tu vas aimer ces gens-là, et tu vas les aimer à cause de leur mécréance. Et tu vas aimer qu'ils réussissent à battre les musulmans, parce que tu détestes les musulmans, et tu souhaites que les mécréants gagnent contre les croyants. Ça, c'est une alliance du cœur qui te fait sortir de l'islam. C'est une alliance qui fait que même si tu n'as pas un pacte ou une entente avec les mécréants, tu es mécréant quand même, c'est-à-dire que tu les as supportés dans ton cœur. Oui, c'est ça. Illa al-tataku minhum tuqa. Oui, sauf que vous ayez crainte, oui, sauf que vous avez peur. Si vous avez peur, par exemple, que les kuffars vont vous attaquer ou vous faire un tort, alors dans ce cas-là, c'est permis de dire que vous êtes d'accord avec eux en apparence, mais dans votre cœur, vous êtes contre et vous les détestez et tout ça. Sauf que pour vous protéger et pour vous éviter d'avoir une attaque ou quoi que ce soit, c'est permis de montrer que vous êtes d'accord avec eux en apparence. Hein? Et ça c'est une chose que Allah dit dans l'autre verset. Illa an tattaqu minhum tuqah. Donc sauf si vous craignez d'eux un mal et que vous voulez vous en protéger. Ça, celui qui fait ça, il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant. Vendre le pétrole au kuffar, c'est pas interdit. Ça rentre dans le commerce. Et de vendre et d'acheter d'un non-musulman, ça, de vendre à un non-musulman et d'acheter d'un non-musulman, c'est permis. Le prophète, il a acheté à des juifs, il a vendu à des juifs, même il a emprunté de l'argent à des juifs, hein, donc, ça c'est pas un problème. À ce niveau-là, c'est pas ça le danger. Mais dans ce cas-là, si par exemple ils vendent à perte ou contre leur propre intérêt, dans ce cas-là, s'ils font ça comme ça, on peut dire bon. Ça, c'est un acte de quelqu'un qui a une faiblesse, ou qui est faible, ou qui fait un péché. Mais s'ils le font parce qu'ils aiment les kuffars et ils les préfèrent aux mécréants, et ils les aiment, pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord avec la religion des kuffars, et ils croient que leur religion est meilleure que l'islam ou quoi. Ça, là, tu dirais oui, ça c'est des mécréants. Parce qu'ils font ça pour aider les kuffars contre les musulmans. Mais je pense pas que les musulmans. Je pense pas que c'est le cas. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais qu'est-ce que je pense aussi, c'est que la raison pourquoi c'est comme ça, c'est parce que les musulmans actuellement sont dans une situation de faiblesse. Et militairement, on n'est pas assez fort pour les affronter et pour les combattre. Alors, étant donné qu'on est faible, eh ben ils préfèrent, eux, utiliser ce moyen-là pour se protéger de leur mal. D'accord? Sauf que c'est évident que si les musulmans avaient une capacité de les affronter directement, ça ne serait jamais comme on le voit actuellement. Hein? Là, on pourrait se poser vraiment des questions. Si on verrait que les musulmans sont en état de riposter et de les combattre, et qu'ils font des actions comme ça, là, on va se poser vraiment des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, on sait que on n'est pas dans une situation pour les combattre. Celui qui veut riposter aux tanks et aux avions à réaction avec des pierres et des cailloux et des fusils comme ça, c'est absurde. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas de nous amener nous-mêmes à notre propre perte. Et Allah dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas de mettre sur nos épaules une charge qu'on n'est pas capable de supporter. Allah, pourquoi il a interdit aux croyants, à la Mecque, de combattre au début? Allah, il a dit aux croyants, il leur a interdit de combattre. Parmi les Sahaba au début, il y en a qui disaient, on veut riposter, on veut se défendre, on veut attaquer les croyants. Et le prophète Rasul, il leur a dit, Koufou Aïdiyakoum, non, gardez vos mains en bas, tenez-vous calme, ne ripostez pas, ne les attaquez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en force, vous êtes en faiblesse. Et si vous attaquez aujourd'hui, ça va être des pertes qu'on ne sera jamais capable de regagner. Hein? Ce sera un acte stupide d'agir de cette façon. Mais il y a des groupes aujourd'hui qui sont un peu excités pour voir la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se hâtent. Ils se pressent. Et quand ils se précipitent comme ça, ils tombent dans les erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait ça dans un hadith. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à l'ombre de la Kaaba à la Mecque. Au temps, à la Mecque et au début de l'islam. Il était assis à la Mecque, à l'ombre de la Kaaba. Et il parlait avec les Sahaba. Et les Sahaba ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne fais pas un dua et que tu ne demandes pas à Allah de nous donner la victoire? Pourquoi tu ne demandes pas à Allah de nous donner la victoire et de nous rendre forts tout de suite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y avait dans les peuples qui étaient avant vous, des croyants, on les enterrait dans la terre jusqu'au cou et on leur sciait la chair de la peau, on leur sciait la peau du crâne avec une scie et ils ne revenaient jamais de leur croyance. Ils restaient toujours fermement accrochés à leur croyance malgré les épreuves et les douleurs. Hein? Alors, il a dit, il va y arriver une époque où quelqu'un parmi vous pourra partir de Hadramaut, yani du Yémen, jusqu'ici, et il ne craindra yani, personne dans son chemin. Il va arriver une époque où il y aura de la sécurité, et vous pourrez aller même de Yémen jusqu'ici, jusqu'à la Mecque, yani, sans avoir la crainte de que quelqu'un vous attaque ou quelque chose comme ça, et cette religion va être répandue. Sauf que vous êtes des gens qui sont, vous êtes trop pressés, vous vous précipitez trop. Voilà qu'il n'y a comme qu'aumun tasta'ajiloun. Vous vous précipitez trop. Prenez votre temps et cette religion-là, elle va être établie. Soyez juste patients. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça, c'est une leçon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à ses sahaba de la patience. Par exemple, un autre exemple est arrivé aussi à la période de, je pense, de quand c'était Bay'at al-Aqaba, quelque chose comme ça. Je pense que quand il y avait la Bay'at ou. Oui, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti pour faire le. On va continuer après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ok, on va continuer après, inch'Allah. La semaine prochaine. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu vas faire un ouais. Je vais faire un woudou, peut-être qu'il y a d'autres qui vont faire un woudou. En bas? Ah, d'accord. Mais j'ai mangé un peu tout à l'heure. Ah, ok.